soit une guitariste. En général, ces amplis à larmes, ça fait toujours un peu de son. Voilà. Alors là, je parle en même temps, donc ce qui fait qu'ils m'entendent parler, ils vont se dire, ah, ben c'est un Frenchie. Et ouais,